15 mars 2018, il est 18h30, place Anne-Essence à Bruxelles, journée internationale contre les violences policières. Allez, c'est parti! J'aime bien votre tête quand j'ai dit que ça sert à rien tout ça, la manif, tout ça. Ça vous a choqué? Ça vous a choqué? Comment? Ça vous a choqué? Ça m'a vraiment choqué. Ça m'a vraiment choqué. De vous voir là, parmi nous, c'était comme une insulte. C'était comme nous dire, voilà, moi je suis insensible à tout ce qui peut vous arriver, à ce qu'on tape les gens quand ils revendiquent leurs droits, alors que voilà, c'est leur droit, voilà. Voilà. Pour moi, c'était un peu de la provoque. Oui, oui, c'est sûr, c'est un peu de la provoque, mais aussi ça pose la question. Moi, je suis contre les violences policières, évidemment, mais ça titillait le fait... qu'une manif, à quoi ça sert? C'est pas en faisant une manifestation que les flics vont, comment dire, vont mal dormir, quoi. Oui, c'est ça. Mais je pense que quand même ça les dérange quelque part de voir qu'on met, qu'on met en avant, qu'on ose leur dire en face que voilà, qu'on dénonce ce qu'ils font alors qu'ils sont censés ne pas le faire. Je pense que ça les dérange quelque part parce que voilà, ils sont pas contents. Voilà, ils vont pas dire ah ouais, voilà, allez-y, faites votre manif, on s'en fout, de toute façon, on va continuer à taper. Non, ils aiment pas non plus que ça se sache. Ils aiment aussi taper, mais que voilà, qu'ils donnent toujours cet autre visage de protecteur, de défenseur des droits, alors qu'en réalité, il y a des brutes, il y a ceux qui sont politiquement orientés. Voilà. Ce sont des chiens de garde du pouvoir, quoi. Voilà, c'est ça. Et nous, on est là pour parfois rappeler au pouvoir que le pouvoir ne fait pas ce qu'il a à faire et que voilà, et le pouvoir les utilise pour nous calmer, pour nous mater, pour nous décourager. Et voilà, donc c'est quand même utile de le faire, de le montrer, même si voilà, il y a d'autres actions qui doivent suivre, qui doivent se faire. Il n'y a pas que ça, mais c'est quand même utile à un moment de, voilà, officiellement, ouvertement, de faire un communiqué, de s'afficher et d'afficher cette position-là. C'est sûr. Il faut s'organiser, quoi, en tout cas, c'est ça que ça dit. Il ne faut pas laisser faire, en gros. Non, mais c'est bien, ça y est, il est fini. Un mot, jupilaire? Les hommes savent pourquoi. Toi, tu as envie de dire quelque chose? Non? Je sais pas. Tu dis? Si t'as une question, je peux y répondre. Bah, tu pourrais. La question, c'est genre, qu'est-ce que tu fous là, quoi? Pourquoi t'es pas chez toi? Il fait froid, il pleut. Mais je suis là pour dénoncer les violences policières. Il y a une certaine omerta et un certain silence sur les violences policières. Et donc nous, on ne veut pas participer à ce silence complice. On est là pour dénoncer et dire oui, les violences policières existent et il faut les dénoncer. Bien. Et c'est comme ça, en étant dans la rue, en manifestant, qu'on montre aussi le fait de ne pas être d'accord, quoi. Mais au moins, on fait du bruit. Même s'il n'y a pas de réaction de la part de la population, que la population ne comprend pas ce qu'on fait là. On aurait pu rester chez nous et puis voilà, prendre un café, regarder la télé. Non, on descend justement pour montrer aux gens que les choses ne vont pas changer en restant chez nous. Nous, on vient, on parle, mais on mène aussi des actions. Et l'une des actions, c'est de descendre sur le terrain, de manifester et de dénoncer tout ce qui se passe aujourd'hui dans un état répressif, dans un état qui militarise, dans un état qui est de plus en plus discriminatoire. Donc il faut venir dénoncer, participer, parce que, comme je dis toujours, qui ne dit mot consent. Et le jour où ça va nous arriver, on sera bien content de savoir que certaines personnes ont milité pour dénoncer les violences policières et pour pouvoir apporter un soutien aux victimes et à leurs familles. Merci. Je continue ma route. Et vous? Je ne parle pas français. Okay. Ouais, c'est ça. Bon, est-ce que... Je parle français, mais je ne veux pas parler. Ok, et toi non plus? Ok. Je peux vous poser deux... Ils veulent tuer, non? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on m'entend bien avec mon joli masque? Oui, oui. En fait, la question c'est, qu'est-ce que vous foutez là? Il fait froid. La question c'est une manif pour les violences policières. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et est-ce que vous avez déjà eu, vous... Enfin, on va y aller cool, hein. Oui, c'est une manif contre les violences policières, ouais. Pas pour. Pour? Oui, ouais, c'est non, mais c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Disons que j'ai moi-même subi quelques violences policières et j'ai des amis qui en ont subi aussi. C'est évident que, au fur et à mesure que, comme dit Bourdieu, l'état social devient un état libéral, on fait passer l'argent qu'on mettait pour le social, du côté de la sécurité, pour maintenir l'ordre au fur et à mesure que les inégalités sociales augmentent. Et donc plus les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent, plus le désordre grandit, plus on a besoin à nouveau de force de l'ordre pour maintenir un équilibre totalement précaire qui permet de maintenir les inégalités. Voilà. Un flic, ça sert à quoi au fond? Parce que même dans une société libérale ou sociale, c'est quand même un chien de garde. Il y a des chiens qui sont plus ou moins gentils. Il suffit juste de voir, il y a quelques années, on les appelait gardiens de la paix, en France du moins. Maintenant, on les appelle forces de l'ordre. Donc, ils sont là pour que les riches restent riches et pour maintenir leur situation. Voilà. Comme dit le slogan, police nationale, milice du capital. Voilà. Une dernière petite question, et le sens que ça a de venir ici on est beaucoup, on n'est pas beaucoup, comme ça c'est pas simplement mon regard à moi. Moi je trouve qu'on n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que tu trouves toi? Je vais répondre avec une autre citation de Kenny Arcana. Ils ont le chiffre, on a le nombre. Et c'est pas parce qu'on n'est pas beaucoup maintenant que on n'est pas beaucoup à penser ce que le petit nombre qui est là pense maintenant. Voilà. Merci à toi. Hein. Nique la police. D'accord. Mais pourquoi? Eh bien, à cause de la fonction qu'elle exerce dans la société. C'est-à-dire, la police est le bras armé des gens qui ont intérêt à maintenir la société telle qu'elle. Et donc, c'est indépendant des sentiments individuels des policiers et des policières. C'est indépendant de leurs états d'âme ou leurs états d'esprit ou de leur gentillesse ou non. Du fait que ce soit de bons maris, de bonnes épouses ou de bons fils, de bonnes filles ou quoi que ce soit. C'est juste que la fonction qu'ils occupent dans la société est celle de maintenir un système d'oppression que personnellement paraît dégueulasse. Donc nique la police. Voilà. Et pourquoi t'as un masque? Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui filment autour et que du coup, on parle de violence policière, mais la violence policière, elle se base principalement sur les gens qui essayent de changer les choses, qui se bougent un peu le cul. Par exemple, les gens qui viennent en manif et du coup, forcément, filmer les gens, photographier les gens. À la question pourquoi il a un masque, j'ai envie de poser une autre question. Pourquoi il y a des caméras de partout? Et pourquoi la biométrie va s'imposer à tous? Et le fichage généralisé? L'idée... Je suis néerlandophone donc. Quoi, vous comprenez pas bien le français? Moi je sais pas parler flamand. Ah mais non, je comprends le français et je me débrouille. Ouais, ok, donc... ok. L'idée c'est de dire qu'est-ce que vous foutez là quoi? Pourquoi vous êtes là en gros? Qu'est-ce que vous pensez des flics? J'imagine que. Moi je suis photographe et étudiant en journalisme, mais j'ai photographié déjà des centaines de manifestations et. On voit que parfois ça dégénère et moi-même, tant que photographe, j'ai déjà subi pas mal de violences policières moi-même en fait. Qu'on me menace de casser ma caméra, qu'on me tape dessus parfois. Bon, parfois je sais que je suis entre les manifestants et entre la police et alors bon, les choses se chauffent quoi, mais ouais, voilà. Donc tu as déjà vu en direct et tu l'as vécu toi sur tes appareils ou bien ça n'a jamais été jusqu'à... Mais enfin, ça sont restés des menaces. Mais pour le reste, gaz lacrymo et tout, d'un côté ça fait partie du boulot et de l'autre côté, j'ai déjà vu des policiers qui allaient beaucoup trop loin vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la presse, mais aussi vis-à-vis des manifestants, sans doute. Et quoi, ça te fait peur? Est-ce que tu vas continuer ton travail ou bien... qu'est-ce que ça te fait tout ça en fait? Ça me fait pas peur. Je suis là et je fais ce que je dois faire, je pense. Ça va pas m'empêcher de ne pas faire ce que je fais. Par contre, il y a eu des moments que... J'ai reculé un pas, quoi. J'ai pas envie de me faire casser la gueule, quoi. Donc, ouais, sans doute, mais il faut rester prudent sans se laisser faire. La police ne peut pas avoir d'impunité, je pense. Donc, voilà. Surtout que, paraît-il, les gens ont le droit de filmer la police, quoi. Ouais, ils ont le droit de. La police. c'est un peu ironique, mais la police ne respecte pas toujours la loi. J'ai déjà entendu tellement d'histoires des gens qui ont dû aussi effacer des photos, des vidéos. C'est complètement illégal, soyons clairs. Et je pense qu'à ce point-là, les gens ne doivent pas se laisser faire. Ils doivent refuser et faire tout ce qu'ils peuvent faire pour empêcher que ce genre de choses s'arrivent. Donc il faut dire non. Ah, la manif. Pourquoi vous êtes venu ? Pourquoi tu es venu, toi, par exemple ? Bah, y a plusieurs facteurs, notamment sur la question de la répression policière. Bah, moi, je l'ai déjà vécu. Et je trouve que c'est aussi un moment où on peut essayer de rassembler et élargir un peu plus la thématique pour essayer aussi d'expliquer un peu plus en quoi consiste la répression policière et aussi quelle est la question, en fait, de la police dans notre système actuel, quoi. Elle sert à quoi, la police ? C'est ça ? Oui. À quoi elle sert, la police ? Bah, donc... Après, il y a plusieurs définitions de à quoi sert la police. Je trouve que tu as un aspect qui doit être important, c'est dire aussi que la police va faire en sorte aussi de légitimer en fait certaines mesures que les gouvernements veulent mettre en place. Ah, tu es au courant ? Oui, je suis au courant. Malheureusement, oui. Et surtout... C'est un peu des chiens de garde, quoi, des plus ou moins gentils. C'est ça, mais après, je trouve qu'il ne faut pas tourner ça en mode on va critiquer les policiers, mais critiquer en fait le rôle de la police. En tant que tel, et surtout, je pense un autre point important, c'est ok, en fait, pourquoi la police va plus réprimer des mouvements de contestation alors que ce que font la population est quelque chose de légitime et qui est quelque chose en fait qui est accepté aussi dans le code juridique. Donc pourquoi réprimer tout ça? Et donc c'est là où je pense que avec ce cadre là tu peux te poser la bonne question de quel est le rôle de la police dans l'état actuel, quoi. Je sais pas si j'ai tout compris ce que tu as dit, mais non, parce que c'est d'être un peu plus clair. En gros, la police va toujours réprimer, on le voit dans les mouvements syndicaux, on le voit dans des mouvements de contestation. Elle est là, elle bloque, là, elle montre que c'est elle qui aura le dernier mot, c'est sûr. C'est ça, et donc il y a aussi après, je pense, dans tout ça, le rôle des médias derrière qui va faire en sorte, à cause de cette répression policière, va faire en sorte de légitimer le mouvement de contestation en disant, vous avez vu ces manifestants, arrête pas d'attaquer et foutre un peu, excusez-moi du mot, mais foutre le bordel complètement dans la rue, alors que c'est pas complètement le cas quand on est réellement sur le terrain. Donc il y a vraiment un rôle de dire, ok, en fait, on veut casser les mouvements de contestation pour légitimer des mesures d'austérité, des mesures antisociales qui sont mises de plus en plus actuellement, quoi. Ouais, donc il faut se battre contre la police aussi, quoi, c'est ça ? Je pense pas que... Non, ça, c'est un autre truc, c'est se battre contre la police, je pense que c'est... C'est pas ça, parce que, ok, en fait, dans la police, on a aussi énormément qui subissent aussi, en fait, toutes ces mesures d'austérité. Ton papa est policier ? Non, non, non, mon papa est chef de chantier et ma mère invalide, donc... Ça va, je suis fait. Mais je pense surtout, en fait, sur quoi on doit lutter, c'est de lutter contre le système en tant que tel. Je pense que c'est surtout ça, c'est quand on aura une perspective de changement de système, qu'on arrivera, en fait, à résoudre aussi le problème du rôle de la police et du rôle que la police a dans l'état actuel, quoi. Ça va, ça va, ça va, et toi ? Oui, ça va très bien. Ça va, ça va. Non ? Qu'est-ce que vous faites là ? En touriste, un peu ? Non. Vous avez déjà vécu des violences policières ? Non. Est-ce que vous en avez déjà vu ? Des policiers qui sont violents à côté de vous, sur quelqu'un d'autre que vous-même ? Non, j'ai juste lu un livre sur ça. Quel livre ? De Didier Fassin. C'est quoi le livre ? Je sais plus. La force de l'ordre, voilà. Ah ouais, et ça racontait quoi, le bouquin ? C'était tout ce qui était violence policière en France et surtout sur la classe plus défavorisée. Et voilà. Et quoi, ça racontait tout ce qui se passait. Ouais. Et ça te parlait ? Oui, enfin, je trouvais ça pas cool. Du coup, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas du tout abordé et qui n'est pas du tout montré. Donc je trouve ça important de venir ici pour voir, un peu montrer qu'on est là et voilà. Je l'ai déjà vu. On veut bien faire péter nique la police, hein, mais bon. Je t'ai déjà vu, je t'ai déjà repéré. Ouais. C'est vrai ? Ouais. Ok. Ouais, dis-moi. Ben, genre, qu'est-ce que tu fous là ? Il fait froid, il pleut. Ouais, bah c'est... On vient manifester contre la répression... voilà, contre la répression d'État. Aussi bien contre les violences policières que moi, pour ma part, avec mon camarade, là, on est là aussi contre le système carcéral en général. Et donc on est contre les prisons, notamment l'État, en projet de construire une maxi-prison dans le nord de Bruxelles. Donc 1200 avec 1200 places. Tu parles de la prison à Rennes ou rien à voir ? C'est ça, c'est la maxi-prison de Rennes. Et donc on est là pour contester ce projet, comme contester toutes les prisons, que ce soit les centres fermés ou les prisons plus classiques, on va dire, ou même les prisons à l'extérieur, les peines avec bracelet électronique et tout ça, quoi. Et donc voilà, quoi. Donc, pourquoi je suis là malgré le froid et tout ça. Mais ça marche, le fait d'être là, ça marche de montrer avec une banderole ici, attends, c'est écrit non à la maxi-prison. Non, pour l'instant, les travaux ont commencé sur le terrain, donc je ne vais pas dire que c'est une lutte victorieuse, quoi. C'est pas Notre-Dame-des-Landes pour l'instant, mais ça viendra un jour. Hein. Donc voilà, quoi, donc faut pas hésiter à participer à la lutte contre la prison, le système carcéral en général. Voilà. Et les flics ? Et les flics dans tout ça ? Les flics, on les licencie, on n'a pas besoin de flics dans la vie. c'est facilement dit. Hein, mais moi, il n'y a pas de problème, je suis d'accord, hein, mais c'est facile. Mais les flics, ça sert à quoi ? Ça sert à arrêter les gens pour les mettre en prison. Donc s'il n'y a plus de prison, il n'y a pas besoin d'avoir de flics, c'est qu'on résout les problèmes de société, on va dire autrement, voilà. Et hop, voilà, c'est fait. ce serait. Voilà, mais il y a d'autres manières. Hein. L'humanité n'a pas toujours vécu dans un système coercitif tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des prisons, des choses comme ça. Avant, on était beaucoup plus dans une justice réparative, par exemple la justice traditionnelle, et l'incarcération de masse, c'est arrivé, et les supplices corporels, c'est arrivé, on va dire, très récemment dans l'histoire moderne, avec notamment le capitalisme, etc. Les premiers services corporels, c'était notamment dans la marine marchande anglaise, qui était le fer de lance du capitalisme, où c'est les premiers, d'ailleurs le mot grève, strike en anglais, vient du fait de couper les cordes des voiles pour faire grève et empêcher les navires marchands anglais de... Donc ça vient de là, donc c'était un peu l'origine. C'était un peu l'origine de l'organisation capitaliste avec une main de fer, et ça a engendré des contestations de l'époque, notamment le terme strike, grève en anglais, ça vient de là, donc des marins qui coupaient les cordes des voiles pour empêcher les bateaux d'avancer, etc. Quoi. Moi j'ai lu en fait par rapport à la prison, il y avait, comment il s'appelle, Victor Hugo, ouais. Alors je connais pas super bien le bonhomme, mais Victor Hugo lui s'est battu à son époque. Ouais. Pour remplacer ces prisons, fermer les bagnes et compagnie. Pour plutôt créer des écoles. Enfin, tu vas me dire l'école, la prison. L'école parfois c'est un peu construit sur le modèle de la prison. Hein. Donc c'est un modèle général d'organisation des êtres humains. C'est, on met une cour au milieu avec des bâtiments qui font mur de prison. La plupart des écoles qui ont été construites, elles ont le même modèle. C'est le modèle de la caserne, des militaires. C'est le modèle de la prison. C'est le modèle de l'école. C'est le modèle. Bon, voilà. Une prison idéologique, quoi, disons. Voilà, enfin, en tout cas, c'est une manière, via la construction, l'urbanisme, en tout cas, de créer un système coercitif en général, plutôt qu'un système participatif, on va dire, ou quelque chose comme ça. Merci, hein. De rien, avec plaisir. Ah. Amusez-vous, criez votre haine de la police et de l'État. Et déjà, merci à toutes et à tous d'être ici présents pour le départ et à ceux qui nous rejoindront en chemin. Voilà, bonjour à tous, merci la campagne Stop Répression et merci les organisateurs de cette manifestation de m'avoir invité et donner la parole aussi. Moi j'ai parlé de mon cas spécifiquement, donc j'ai été victime de violences policières au nouvel an 2016-2017, avant le 1er janvier, pendant la nuit. Donc c'est vraiment dans un cadre non manifestant, vraiment dans un cadre festif, donc ça arrive aussi. Je trouve que beaucoup d'entre vous ont ça aussi, si je vous dis. Pour revenir sur les faits, c'est parti ici derrière, on a un grand revu à la place route. N'ayez pas peur, je suis un média gentil. Je fais pas de montage, je fais pas de coupage, c'est anonyme. Il veut pas le monsieur. Vous voulez bien ? On cause quoi, genre qu'est-ce que vous foutez là ? Oh, là, il est dans la lumière. Non, il y a. C'est pour de Radio Campus Bruxelles, un site internet et le réseau social. Oui. Voilà, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu fous là. Bah, moi, je viens, voilà, je viens à l'appel de la Journée internationale contre les violences policières parce que ça se passe au quotidien dans les quartiers comme Annecy, comme Anderlecht, à Molenbeek. C'est toujours les mêmes qui sont visés. Les policiers sont pas ou peu punis pour des faits de violence qui peuvent parfois mener jusqu'à la mort. Je trouve que c'est très important de se mobiliser les plus nombreuses et les plus nombreux possibles aujourd'hui. Hier, c'est la journée internationale contre la violence policière, hier au Brésil. Aujourd'hui ou hier? Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée. Et hier, il y a encore une militante contre la violence policière au Brésil qui s'est fait assassiner parce qu'elle luttait pour les pauvres dans les favelas qui sont victimes au quotidien de ça. Mais ici aussi, ça se passe partout dans le monde et je pense qu'il faut être le plus visible possible pour contrecarrer ça. Voilà. Après, j'ai pas de gros plan d'action miracle, mais je suis là pour soutenir l'initiative. Quoi. Merci alors. Je t'en prie. Voilà, et bon courage. Mouille pas trop ton matos. Hein. Tu dis ? Mouille pas trop ton matos. Non, merci. Le long de la manif, à des endroits symboliques de la répression. Et donc j'appelle les animateurs sur le camion. Mathéo. Ok, on est chaud, Bruxelles, ça va? Ouais! Merci! Merci à Haché et à Benjamin pour leur intervention. C'est parti pour la manif! Oh là là! Très bien! Hein. Bonjour! Lui parle bien. Vous avez pas envie? Ouais, c'est juste pour causer, pour mettre du sens à tout ça aussi, mais non? Je vais pas forcer non plus. Hein. Pas grand chose à dire en fait. Non? Vous n'avez pas d'idée? Pas de... On s'en fout? Pas de pensée? Pas d'idée? On est là simplement. S'il faut casser du flic, on cassera du flic. Non. C'est parce que ces derniers temps, ils ont donné des raisons de nous mettre en colère, c'est tout. Quelle raison? Je vais en donner juste une. C'est tout ce qui concerne les contrôles abusifs des sans-papiers. Ouais, là. Merci. Ça va? De la propagande, hein. Oui. Ah bah allez, je peux vous poser 2-3 questions. On discute quoi, on fait anonyme, après je vais pas couper, je vais pas coller, non, oui. Oui. Ah, qu'est-ce que vous foutez là? Nous on vient se balader. On a vu qu'il y avait une manifestation, on vient se balader, ça a l'air sympa. Ouais. Ouais, super sympa. Ouais. Moi aussi je trouve ça sympa. Allez alors. C'est tout? C'est tout. Oh, mais ouais, mais c'était pour dire ça, alors. C'était pour la peine de parler, hein, parce que moi, je discute avec les gens, genre. Il y a des choses sérieuses qui se passent, hein, tu vois? Il y a des choses sérieuses qui se passent. J'essaie de faire au mieux. Tu dis? J'essaie de faire au mieux. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ça va? Sans plus? Ouais. Pourquoi? Comme ça. Ok, c'est la journée, parce qu'il pleut. C'est pas mon jour. Ah bon? Mauvaise journée. Allez, encore quelques, ouais. C'est des flics, ça ? Les deux, là. Je sais pas. Non, je crois bien. Ah ouais. Et on vous a reconnu, les deux, là. Hein, les deux rigolos. C'est pour ça que vous n'avez rien à dire. Bah, ah ouais, c'est des flics. Non, mais ils avaient vraiment rien à dire. Ouais, bah ouais, c'est des flics. Ouais. Ils sont tout seuls à deux, là. Je vous ai repéré. C'est pour ça que vous n'avez rien à dire. S'il vous plaît. Je vous ai repéré tous les deux. Ah. Oh, pardon. Où ça, police partout? Pardon? Où ça, police partout? Ben, la police, elle est dans les rues, les militaires sont dans les rues aussi. Donc, c'est vrai, on voit de plus en plus de militaires maintenant. Tout à fait, avec les niveaux 3 et avant c'était les niveaux 4. Voilà, il y en a un peu trop, à mon avis. Et qu'est-ce que tu fous là alors? Qu'est-ce que je souhaite? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici dans, dans la manif? Est-ce que t'as vécu toi des violences? Voilà, quelles sont oui, un peu tes idées? L'année dernière, on a participé à une manifestation avec d'autres collectifs pour revendiquer à l'époque, il y avait un local nazi qui avait ouvert à Place Luxembourg. Et donc, on manifestait pour la fermeture. Et en fait, qui a été fermé, hein? Il a été fermé, ce local. En fait, hein. Oui, il a été fermé parce qu'en gros, il ne savait plus payer le loyer. Et donc, on a manifesté, on a été arrêté au bout de 5 minutes de manifestation. Et donc, on a été arrêté pendant longtemps. Par la police? La police, oui. Et puis, ils nous ont... En fait, ils nous ont mis par terre pendant une heure. Il faisait très froid. C'était le mois de décembre. Tu étais là, toi, t'as vécu ça? Oui. J'étais arrêtée avec tous les autres. En fait, tout le monde, presque tout le monde a été arrêté. On était pendant une heure par terre, tu vois, en fil avec les autres femmes, les jambes écartées. Et puis quand ils nous ont amenés au commissariat, on était pendant deux heures dans les cellules. On pouvait pas aller dans les toilettes. Des conditions pas très agréables. Et donc, tu as... Ce que j'ai vécu moi-même à cette manif. Et quoi, avant cette manif, tu étais déjà consciente des flics et de leur violence? Ou bien là, tu l'as vraiment vécu dans ta chair, quoi? Moi, je l'ai vécu là, dans ma chair, mais j'étais déjà consciente du fait que ces personnes ne reçoivent pas une bonne éducation, puisqu'ils y font, parce que... ils sont manipulés dans l'éducation qu'ils reçoivent. Tu parles des flics, là? Oui, je parle des flics. Ils font un boulot qui est très important. Et à mon avis... Je veux dire... c'est un boulot qui est très présent dans la vie des personnes. Et donc, à mon avis, c'est là où il faut jouer. Ben, déjà, il faut que l'État remette en question les types d'éducation qu'ils ont. Et l'État, enfin, l'éducation qu'ils ont, c'est une éducation qui est très particulière. C'est surtout la répression qui est inculquée dans la tête de ces gens. Il est inculqué que les militants, c'est tous des fainéants. C'est des personnes. Non, mais c'est vrai, ça, hein, c'est vrai. Hein. C'est des gens qui pensent à eux-mêmes, alors que nous, on voit les injustices, on manifeste contre les injustices et on veut un monde meilleur, on manifeste pas pour nous-mêmes. Et donc, à mon avis, c'est aussi l'éducation qu'ils reçoivent qui doit être remise en question. Pas que les politiques de l'État, ça c'est une autre question. Les politiques de l'État sont des politiques répressives, mais pour moi, il faut repartir de l'éducation, quoi. Repenser le rôle de l'État, repenser le rôle de la police, repenser leur éducation. Ben oui, en gros, les flics, c'est des chiens de garde du pouvoir, quoi. Oui. C'est ça, hein? Moi, j'ai eu peur. Oui, mais bon, après, c'est une question super large sur quel type de communauté nous on veut, qui devrait gérer ça. Enfin, dans la gauche, on n'est pas d'accord sur ça, on va dire. D'accord. Et donc, c'est une question, pour moi, hyper large. Qu'est-ce qu'on veut? Comment est-ce qu'on s'organise au niveau politique? Quelle communauté on choisit? À quel niveau? Ça, c'est une question super large. Ouais. Merci à toi. Tu refais le monde carrément. Toi, je te pose une question, tu me refais tout le truc. Tu me refais le monde. Yeah. la suite maintenant s'organiser face aux violences policières. Ça s'est déroulé le 10 mars 2018, c'était à l'ESPE, un centre culturel café, un café centre culturel. Ça se passait là. Qui organisait ? C'était la JOC Bruxelles, Bruxelles Panthère, campagne Stop Répression. Et je vous cite les intervenants. Donc il y a l'animatrice Khadija Senadji qu'on va entendre un petit peu. Il y a Nisha Mbouli qui est juriste au MRAX. Le MRAX, c'est un mouvement contre la xénophobie, etc. Enfin, Nisha Mbouli vous expliquera ça en quelques mots. Aïcha Daoudi du comité des parents contre les violences policières à Molenbeek. Et Faisal Chefou, j'aime vraiment pas l'appeler comme ça, mais c'est le mec qu'on a pris lors des attentats à Zaventem, l'homo chapeau comme on dit, voilà. Mais c'est Faisal Chefou. Le son, c'est important à dire, le son est vraiment pas bon. Vous voyez, j'aurais un matos que je n'ai qu'à placer avec un super bon micro qu'on n'entend même pas les bruits du matériel qui est là. C'est dur. Mais je me dis, soit je le passe parce que le son, soit je le passe pas. Parce que le son est dégueulasse, soit je le passe. Et je me dis que ce qui se dit là est vraiment, vraiment intéressant. C'est comme ça. Et bon, c'est sûr que ce n'est pas un son professionnel. Hein. C'est un son avec plein de bruit de micro parce que le matos est très, très basique, on va dire ça comme ça. Du coup, on entend tous les bruits, voilà. À un moment donné, ça passe, à certains moments donné, ça passe mieux que d'autres. Mais je vous dis, l'essentiel, on essaye de se concentrer là-dessus, n'est pas dans la forme, mais sur le fond, quoi. Vraiment, ce qui se dit est énorme, voilà. C'est en deux parties. La prochaine partie sera la semaine prochaine. Alors, cette question du rapport à la police comme institution, en tant qu'institution, elle s'inscrit aujourd'hui indubitablement dans le tournant sécuritaire que l'on a connu dans la période qui a immédiatement fait suite. Elle s'inscrit évidemment dans le temps long, mais elle a pris une dimension nouvelle avec ce tournant sécuritaire à la suite des attentats de Paris et qui s'est renforcé ensuite avec les attentats de Bruxelles. Et ce renforcement du dispositif sécuritaire post-attentat, il a eu en effet des conséquences très concrètes et très visibles sur le territoire belge, comme le rehaussement permanent du niveau d'alerte et la présence permanente de militaires dans les grandes villes belges. Il y a eu l'adoption du plan Canal, qui a permis le contrôle de milliers de résidences et la fermeture de nombreuses associations à coloration musulmane, précisément dans un certain nombre de communes ici le long du canal. Il y a eu des mesures telles que le rallongement des détentions préventives de 24 heures à 48 heures. Il y a eu l'adoption, je cite un petit peu pêle-mêle comme ça, donc l'adoption de la loi qui étend la déchéance de nationalité, la loi dite de déportation, il y a environ un an, qui autorise désormais donc l'expulsion d'étrangers nés établis de longue date en Belgique sur la base de simples soupçons de troubles à l'ordre public. Et puis pour finir, il y a le dispositif sécuritaire qui se déploie de manière extrêmement féroce depuis plusieurs mois à l'égard des migrants et des sans-papiers qui font l'objet de véritables rafles jusque dans les transports en commun et dans les associations à vocation culturelle comme on a pu le voir donc le mois dernier. Et donc loin de s'apaiser, ce climat sécuritaire se poursuit et il se recycle dans des formes particulières. Les différentes séquences que nous vivons maintenant depuis plus de deux ans reposent finalement, à mon sens, sur le même ressort, à savoir la désignation d'une menace intérieure qui justifierait l'adoption de mesures d'exception, et tout cela donc sur fond de lutte contre le terrorisme d'inspiration djihadiste. Il n'est à ce titre pas étonnant de voir que dans le discours politique, ces différentes séquences sont reliées les unes aux autres. Alors la mise en relation de ces séquences, elle se fait d'abord au niveau rhétorique. Ainsi, il était question pour Jambon de faire le ménage à Molenbeek après les attentats de Paris. Franken, lui, a parlé de nettoyer le parc Maximilien en référence aux migrants qui s'y sont installés. Alors, à côté des effets purement rhétoriques, cette mise en relation, elle s'observe surtout dans le fait que chacun des dispositifs sécuritaires qui émergent d'une séquence particulière sert finalement de prétexte d'action lors d'une autre séquence. On sait ainsi, par exemple, que l'intervention tout à fait éloquente, en fait, au Globe Aroma le 9 février dernier, elle s'est faite finalement dans le cadre du plan canal et de son extension à Belfi, qui autorise aujourd'hui donc le contrôle renforcé des ASBL en matière de fraude sociale et de fraude fiscale. Et donc on voit que le plan canal qui est destiné initialement à la lutte contre le terrorisme, et bien finalement, il finit par justifier la chasse aux migrants et aux sans-papiers. Alors un autre exemple, et bien, c'est la politique de tolérance zéro qui a été proclamée dans la foulée des événements à la Bourse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc en novembre dernier, lors de la qualification du Maroc à la Coupe du Monde, la célébration a été quelque peu gâchée par l'intervention des forces de l'ordre. Et donc ça a tourné un petit peu à ce qui a été qualifié d'émeute, en tout cas un certain nombre d'arrestations, etc. Et suite à cela, donc une politique de tolérance zéro a été décrétée. Et cette politique de tolérance zéro, finalement, elle a servi de prétexte à intervenir lors de rassemblements ultérieurs, comme lors de la manifestation qui avait été organisée par des afro-descendants pour protester contre les pratiques d'esclavage en Libye. En Libye et ailleurs. Et d'ailleurs, même dans le discours, le lien a été fait entre les différents, ce qui a été qualifié de différentes séquences d'émeutes, je dirais, au cours du mois de novembre, en disant que c'est chaque fois les mêmes groupes qui viennent finalement mettre le bordel lors de ces rassemblements. Et je rajoute aussi que ces mêmes événements à la Bourse ont donné lieu à une proposition aussi étonnante que celle de mettre sur pied une police des migrants, comme si c'était la question migratoire qui était ce soir-là engagée. Or, c'était tout à fait à côté de la plaque. Mais donc, on voit qu'il y a une confusion, un amalgame qui est savamment entretenu par le politique pour légitimer la prise de mesures d'exception et de mettre du lien, finalement, entre tous ces différents événements. Donc ça, c'est un petit peu pour faire le point donc, sur les différentes séquences qu'on a connues. Alors, quand on se place un peu dans une perspective, je dirais foucauldienne, la police, elle apparaît dans ce contexte comme étant à côté du dispositif militaire, mais la police apparaît comme l'appareil qui permet finalement d'assurer l'intégrité de l'État face à un ennemi ou à une menace intérieure au visage multiforme. D'abord les terroristes et puis par capillarité toute une série d'autres groupes, les musulmans, les binationaux, les migrants et finalement tout ce qui est étranger ou considéré comme tel. Et donc dans ce contexte-là, la sauvegarde de la raison d'État justifie que la police et par extension toutes les institutions qui participent à la politique sécuritaire établie se place aux confins de toute considération morale et même légale. Et on en arrive, par exemple, à trouver normal de renvoyer des Soudanais à la torture dans ce contexte-là, ou en tout cas à trouver une justification. Donc voilà un petit peu la lecture que moi j'en fais. Voilà, donc maintenant je me tourne vers les intervenants et je vous pose donc une première question. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse et quelle lecture est-ce que vous en avez à partir de votre point de vue propre? Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. D'accord, Nisha? Mais faut bien se rendre compte qu'on est... En général, quand on parle de la police, on parle des forces de l'ordre. Donc la police, est un peu détentrice de la force légitime. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on dévisse l'objectif premier de la police, qui est de protéger les citoyens et de faire respecter les droits fondamentaux. Cet objectif est un peu détourné soit par les politiques ou soit par le policier lui-même. On voit voit que, je vais vous donner un cas par exemple, hein. Le service juridique du MRAX, qui, je ne sais pas si vous connaissez le MRAX, c'est le mouvement antiraciste ici en Belgique, donc mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. On reçoit des plaintes de personnes qui se disent être victimes de violences policières. Et il y a de cela un an, j'ai reçu un monsieur, c'est le cas qui m'a le plus marqué parce que j'ai, malheureusement là je suis un peu sortie de mon rôle de juriste, je me suis projetée malheureusement, ce que je n'aurais pas dû faire, parce que ce monsieur était âgé d'une soixantaine d'années, il était noir, donc il aurait bien pu être mon père. Donc en peine permanente, je me suis mise à pleurer avec lui alors qu'il était venu pour chercher mon soutien. Ce monsieur avait traversé, le feu était rouge. Il traverse au rouge, de l'autre côté, un policier vient et lui dit « Mais écoutez, monsieur, vous avez traversé au rouge. » Monsieur s'attendait à avoir une amende. Voilà, il n'a pas respecté le code de la route, on ne traverse pas quand le feu est rouge. Mais au lieu d'avoir une amende, monsieur s'est retrouvé dans une camionnette de police en train de se faire tabasser. En plus des violences policières, monsieur a eu des propos racistes. Est-ce que vous avez déjà vu un belge noir? Voilà, tout ça. Je me suis projetée, ce que je n'aurais pas dû faire. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas réagir face à des tels agissements de la police. La police est censée nous protéger. Et quand on se retrouve face à une personne qui nous dit qu'un agent de police a détourné sa mission, sa fonction pour frapper un homme qui n'avait rien fait de mal. Et souvent, quand on entend ce genre de récit, on se dit toujours, mais en fait, la police, elle sert à quoi? Elle est censée me protéger, mais je commence à avoir peur de la police. On se souvient, je ne sais pas si vous avez entendu un moment en France, on disait, il faut que les jeunes aient peur de la police. Mais non, les gens doivent avoir confiance en la police. Et avec la violence policière, en fait, la perte de confiance est totale. Parce que cet usage de la force est illégitime. Donc, ça veut dire que dans certains cas, l'usage de la force est légitime. Si elle est illégitime, à un moment donné, dans certains cas, elle est légitime. Et quand cette force est légitime, on ne peut pas parler de violence policière. Mais quand elle est illégitime, là, il y a violence policière. Et cette violence, elle peut être physique. Ça peut aussi être des propos racistes tenus. Ça peut être aussi une violence psychique. Et donc, quand j'ai une personne comme ça qui vient me dire qu'elle a été victime de violences policières, la première chose à faire, c'est de pouvoir en fait analyser est-ce qu'on est bien dans l'usage de la force illégitime ou légitime. Et ça peut parfois prendre du temps à analyser cette situation parce qu'on n'est pas tous là en train de se dire « Oui, en fait, il aurait dû voir si l'utilisation de cette force était légitime. Donc, est-ce qu'il y avait une loi qui permettait de pouvoir utiliser la force? Est-ce qu'elle était proportionnée? Est-ce qu'il n'aurait pas pu atteindre l'objectif de me faire cesser, en fait, l'infraction par une autre façon? Et il y a aussi ce principe de, en fait, il doit m'avertir avant d'utiliser la force. On ne peut pas utiliser la force n'importe quand et n'importe comment. La loi prévoit qu'elle doit avertir. Il y a 4 conditions dans la loi: légalité, subsidiarité, proportionnalité et avertissement préalable. Et souvent, les policiers disent, mais on n'a pas le temps pendant l'action de se demander si les 4 conditions sont remplies. Et donc, on est toujours un peu surpris. Nul n'est censé ignorer la loi. Les policiers, les plus fonctionnaires de police qui ont suivi des formations, sont censés connaître la loi sur la fonction de police et tout ce qui encadre leur mission. Et on se rend compte qu'en fait, non, les policiers ne respectent pas. Et avec le climat actuel, avec tout ce que tu viens de citer comme règles qui ont été adoptées au niveau de notre gouvernement, on sent vraiment que la police est utilisée à d'autres fins que des fins de protéger les citoyens. Oui, protéger les citoyens, mais les citoyens, on a presque l'impression, belgo-belge. Les autres, contre le faciès, descendent pour juste, là, le monsieur qui traversait un feu rouge, on va aggraver les choses alors que c'était une petite infraction au code de la route. Donc aujourd'hui, on a vraiment ce climat de se dire, le climat sécuritaire fait que on n'a plus tellement confiance en la police quand on est personne d'origine étrangère parce qu'on a toujours peur, en fait. Et cette peur, elle nous accompagne tous les jours quand on se balade dans la rue, qu'on croise des agents de police, on change le trottoir ou des choses comme ça. Donc le climat sécuritaire, les violences policières entraînent une perte totale de confiance à l'égard des agents de police. Par rapport aux événements de la bourse donc de novembre 2017, il y a eu quelque chose de tout à fait particulier qui s'est passé, c'est-à-dire que le MRAX avait lancé un appel à témoignage pour dénoncer en fait les violences policières qu'il y avait eu ce soir-là, puisque les témoignages effectivement commençaient à se multiplier par la voie des réseaux sociaux et même par votre presse à un moment donné. Et très vite, le MRAX a réagi par rapport à ça. Et puis, vous avez été contraint, dans la foulée, de retirer votre communiqué, votre appel à témoins, parce que il semblerait que vous ayez été interpellé, que vous ayez dit que vous étiez finalement sorti en fait du cadre de votre mission et que la police ce soir-là avait tout à fait, rempli sa mission finalement d'intervenir et de cadrer des débordements, alors que manifestement, il y avait quelque chose d'un autre ordre qui s'était passé d'après les témoins présents sur place. Et donc ce que dénote finalement cet épisode-là, c'est la difficulté de pouvoir épingler en tout cas ce type de violence policière, de pouvoir en parler de manière légitime, même pour des associations mandatées comme la tienne. Et encore plus, je dirais, pour des citoyens lambda qui s'exprimeront en son nom propre. Donc, je voulais un petit peu avoir ton avis par rapport à ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est un peu dans un climat de, entre guillemets, de peur, où on a ce sentiment que la population a besoin d'être protégée. Et celui qui doit assumer cette responsabilité, c'est la police. Et la grande majorité de la population a plutôt cette idée que la police fait bien son travail et que la police ne commet presque jamais de violence policière. Mais pour certaines parties de la population, la violence policière fait partie presque de leur quotidien. C'est-à-dire que ces personnes, elles vont sortir et contrôle d'identité, ces personnes, elles vont se retrouver... Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, je ne m'entends pas. Oui, ça va. Pour une partie de la population, la police fait très bien son travail. Mais pour une partie non négligeable qui, elle, doit faire face à cette violence policière, dénoncer, c'est leur seul moyen, en fait, de pouvoir dire « Mais écoutez ma voix, entendez ma voix, je ne suis pas en train de m'imaginer des trucs. » Il y a des policiers qui commettent les violences policières. On a eu, par exemple, une condamnation de la Belgique devant la Cour européenne des droits de l'homme, c'était dans l'affaire Bouygues, qui condamnait l'État belge pour deux gifles qui avaient été données par des policiers dans un commissariat de Saint-Josse. Et de se dire que l'État peut être condamné dans des affaires de violences policières montre que les violences policières existent. Mais le souci, c'est que peut-être qu'à l'heure actuelle, les citoyens, une partie des citoyens n'est pas prêt à entendre parler de violences policières parce qu'il y a ce sentiment qu'on a besoin d'être protégé. Et les seuls qui peuvent nous protéger, ce sont les membres des forces de police. Oui, je voulais vraiment rejoindre Naïcha sur l'analyse. Normalement, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, comment le mécanisme ou comment ça fonctionne aujourd'hui, le mécanisme, et comment ça fonctionne aujourd'hui la société. On sait bien que derrière des violences, il y a des approches politiques. Les violences policières aujourd'hui qu'on parle, c'est des violences qui viennent sous des arguments de sécurité ou sous des arguments d'essayer d'amener une approche sécuritaire dans la société. Ça amène vraiment cette violence contre les êtres humains et surtout contre des classes. Et aujourd'hui, on voit par exemple, je veux vraiment partager une expérience d'un mouvement qui constate quotidiennement la violence policière, vraiment chaque jour on le voit, chaque jour on reçoit des téléphones, des camarades, des amis, des personnes qui témoignent sur des violences qui sont venues d'une approche politique. Alors sur la question des sans-papiers aujourd'hui qui sont vraiment aujourd'hui considérés comme des personnes illégaux, t'as une politique qui vient pour les sachets, pour les expulser. l'État un élément d'un pouvoir qui se donne à ces policiers-là pour réagir, pour les traiter comme voilà, les traiter comme vous le voyez. Alors, on a quelques tracts ou quelques actes de violence dans notre histoire dans le mouvement des sans-papiers. C'est que le premier acte, c'est l'assassinat de Samira Adamo, qui était assassinée dans un avion devant tout le monde, etc. Les suivants actes, ces dernières années, on a eu des expéditions d'une occupation des sans-papiers avec des centaines de policiers, deux hélicoptères à 4 heures du matin pour chercher 13 personnes et après les expulser. Tout simplement, c'est une manière de violence qu'on le voit aujourd'hui. On a dernièrement l'expulsion, il y a une photo, je crois, camarades qui peuvent après le montrer, d'une attaque avec des armes sur des sans-papiers, sur des gens innocents, avec des armes dernièrement, même pas 2 mois, celle-là, cette attaque. Et là, voilà, on est devant un État qui utilise le discours de la sécurité en même temps qui utilise la force et ce pouvoir-là pour sacher, pour tuer des rêves des gens, des rêves des innocents qui sont là. Aujourd'hui, on a des chiffres, par exemple, sur ces témoignages-là. On a toutes les centres fermés qui sont pleins de gens. Ça veut dire on a 680 places. Ça veut dire on a 680 cas de violence parce qu'ils sont arrêtés dans des contrôles, soit dans les villes, soit ailleurs. Et en même temps, il y a des violences à l'intérieur de ces centres fermés. Et ça, c'est des cas qui sont réels, qui sont là, on le voit, on a de toutes ces témoignages-là. Alors, c'est tout ce contexte-là, ça, où toute cette violence-là, ça présente une approche politique qui vient d'une classe dominante aujourd'hui qui utilise le pouvoir pour que ça marche, leur vision, pour que ça marche leur existence dans le pouvoir. C'est ça le problème, c'est que aujourd'hui on est devant plusieurs questions, parce qu'on parle sur la citoyenneté, on parle sur la démocratie, on parle sur les droits de l'homme, on parle sur ça, mais nous, comme des sans-papiers, tout ça, on voit que c'est du slogan pour vraiment influencer, diriger l'opinion publique vers des rêves qui ne sont pas vraiment la réalité. La citoyenneté, c'est quoi? C'est aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe à des milliers de personnes qui sont des travailleurs, qui existent ici, qui sont dans l'exploitation et qui sont dans la réflexion de demander leurs droits pour qu'ils contribuent dans la société au niveau social, etc. Après, on le traite comme des inhumains et on les met dans une procédure de violence depuis l'arrestation jusqu'à l'expulsion. Je ne veux pas être long sur ça, alors voilà. Je me tourne vers Faisal Chefou. Donc toi, tu as eu l'expérience d'être traité comme un terroriste finalement, en fait, c'est ça Donc en étant confondu avec ce fameux homme au chapeau, ta vie a basculé. Je veux dire, une fois qu'on est dans la peau d'un terroriste, même de manière erronée, il est très difficile après d'en sortir et ça a des impacts finalement sur tous les aspects de la vie d'un individu. Déjà, je voudrais vous remercier pour cette invitation. Alors, sincèrement, je vais commencer après tout ce que je viens d'entendre, par une chose claire, concise. C'est que la situation est extrêmement grave. Voilà. Je ne vais pas faire l'alarmiste, mais de mon point de vue, de ce que j'ai vécu, la situation est vraiment catastrophique. Et ce n'est pas normal de commencer à avoir systématiquement peur, mais vraiment une peur viscérale, une fois qu'on aperçoit la police. Pour vous donner un exemple clair, il y a quelques jours, Donc après toutes ces histoires de l'homme au chapeau, des arrestations, etc., vous avez peut-être suivi ça dans la presse. Eh bien, ça ne s'arrête pas, en gros. Dans le sens où, où vous vous taisez, où vous allez continuer à subir la répression. Donc quand je parle de répression, je vais vous donner un fait concret. Il y a quelques jours, la semaine passée, je me rendais devant le SAMU social. Enfin, je me baladais tout simplement. Il était tard, je rentrais chez moi. Et je vois des gens devant le SAMU social, une dizaine de personnes. La semaine passée, il faisait moins 9 degrés. Je passe par là et je vois une dizaine de personnes. Et j'entends, je vois des agents, des responsables, des personnes qui travaillent au SAMU social avec leur veste bleue pousser violemment et manquer de respect, clairement, en insultant, avec des mots qui étaient assez violents, les sans-papiers, enfin bref, les personnes qui étaient là à demander pour pouvoir dormir là. J'ai été alerté, j'ai roulé 50 mètres, 100 mètres, et j'ai pris ce mauvais réflexe de dire bon, ça ne me regarde pas. Donc quand je vois quelque chose, généralement j'ai le premier réflexe, avec une âme journalistique, la première chose que je dois faire, c'est dénoncer, au moins rapporter un fait. Donc là, avec tout ce qui s'est passé, etc., je continue, je fais 50 mètres, je suis à vélo, et je m'arrête. Et je me dis non, je ne peux pas. Je dois au moins être, je suis témoin de ça, donc je dois au moins faire le minimum, donc rapporter. Si je ne peux pas changer la chose, au moins rapporter l'information. Donc je retourne sur place, je filme, je sors mon portable, et je filme entre guillemets une scène où on voit clairement les agents du SAMU social repousser violemment des personnes voulant dormir là, et avec la simple raison, c'est qu'il est 22h30, les inscriptions sont terminées. Enfin, bref, vous deviez appeler le 0800, etc. Ça n'a pas été fait, donc voilà, vous restez dehors. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une circulaire, enfin, il y a un arrêté communal qui a été déposé. Les personnes, on pouvait les arrêter, mais ils ne restent pas, on ne peut pas les laisser dans la rue à moins 9 degrés, ils ne vont peut-être pas survivre. Donc là, il y a non-assistance à personne en danger, et c'est clair, je suis témoin de ça. Donc, j'ai filmé ce qui a vraiment déplu aux agents du SAMU social. Et donc voilà, je suis resté 2-3 minutes. Et puis d'un coup, une dizaine de personnes du SAMU social se sont jetées sur moi pendant que je filmais avec mon téléphone et m'ont pris mon GSM. C'est d'ailleurs pourquoi je suis injoignable, je n'ai pas de téléphone actuellement. donc ils m'ont vraiment littéralement violenté. Ils étaient une dizaine à m'entourer et ils ont utilisé la force. Et celui qui les avait envoyés, c'est le responsable du SAMU social. Qui est... Donc là, j'ai déposé une plainte. Mais c'est pas ça le plus... Ça, c'est un fait. Voilà, je vis ceci. Je suis en première ligne en tant que journaliste, etc. J'ai l'habitude. Donc, mais qu'on me prenne mon téléphone ou ma caméra, ça, c'est un petit peu... c'est violent, voilà. Donc, on me le prend, etc. Je crie. Bon, pour que quelqu'un appelle la police. J'ai difficile à avoir de l'aide. Ça prend 15 minutes et puis finalement un passant appelle la police, ils arrivent après une dizaine de minutes, mon GSM a disparu, les agents sont retournés dans le SAMU social, la police arrive, et donc dès que la police arrive, eh bien le responsable du SAMU social sort, et donc voilà, la police, elle arrive, donc un responsable, donc il y a deux policiers, un policier me demande ma version des faits, un autre demande la version des faits du responsable du SAMU social, et là, directement, c'est monsieur, vous, carte d'identité. Je t'opère, je donne ma carte d'identité et je dis, mais monsieur aussi, vous ne lui demandez pas ça, on vous le demande à vous. D'accord. Okay. Et puis c'est contre le mur. Donc c'est moi qui appelle la police, je me fais agresser et je suis contre le mur, je vais être fouillé alors que le gars, ok, bon, on va faire ça. C'est absurde. Mais c'est absurde, mais c'est complètement absurde ce qui se passe. Et je le vis quotidiennement pratiquement. Je t'opère et je raconte mes faits. Et alors il y a un témoin. C'est une personne qui voulait rentrer là, qui était un petit peu malheureusement un peu sous, et qui disait, je l'ai vu, je suis témoin, il a été agressé, on lui a pris son téléphone, etc., etc., etc. Et l'agent du SAMU social le regarde, le responsable, il dit, tu ne dormiras plus ici, toi. Et ça se passe devant le policier. Je dis, mais vous écoutez, et on n'est pas là pour ça. Nous, on est là, dites-nous pour votre agression. Donc je raconte ce qui se passe, je dis, j'ai été violenté par cette personne, etc. Et il me dit, oh, mais vous avez... Lui, il me dit que vous avez été provocant. Mais mon téléphone, on m'a volé mon téléphone, c'est pas une question de provocation. Donc on me fouille, et là, il tombe sur mon paquet de tabac et c'est « Monsieur, vous fumez du tabac ?»« Ben oui. Et vous fumez pas autre chose ?» Vous n'êtes pas venu, vous n'êtes pas... Je dis, mais attendez, c'est, là, on croit rêver. Mais j'ai affaire à un policier, en fait, qui, à ce moment-là, a pris clairement une position en faveur du SAMU social, de la personne du responsable. Et, je dis clairement, mon téléphone a été volé, donc je vais déposer une plainte. Je ne vais pas laisser passer ça. Puis, il y a des caméras du SAMU social, donc même si on m'a volé mon téléphone, il y a des caméras qui ont filmé la scène. Donc, de toute façon, mon téléphone est sûrement tracé, avec cette histoire de mon chapeau, etc. Donc, ça ne va pas aller très loin. Et c'est ce que je leur disais. Le téléphone est tracé, vous êtes mal. Donc, voilà. En attendant, la police m'a dit, écoutez, on va prendre votre plainte. Hein. Ils ont pris ma plainte. Mais pendant une demi-heure, j'étais privé de liberté, en gros. Hein. C'est vous restez là, vous ne bougez pas. On m'a fouillé, mais vraiment, on m'a complètement fouillé. Alors que la personne du SAMU social n'a même pas été identifiée, le responsable n'a même pas été fouillé, et ils ne sont même pas rentrés dans l'immeuble. Et quand je leur ai dit mon téléphone a été sûrement, ils sont rentrés avec dans l'immeuble, on n'a pas de mandat de perquisition, on ne peut pas rentrer, etc. Vous savez. Donc elle a déposé une plainte, on notait votre plainte, et puis de là, l'hôpital. Donc je suis allé à l'hôpital, un médecin m'a donné une incapacité d'une semaine. J'ai quand même été agressé par 10 personnes, c'est pas. Mais ça va. Mais ce qui m'emmerde le plus, c'est mon téléphone. Parce que j'avais la preuve dans ce téléphone de mon agression du SAMU social. Clairement. C'était avec des insultes, etc. Enfin, j'avais toutes les preuves dedans. Donc ça, c'est une chose que j'ai vécu. Et puis, pour vous terminer la chose, je rentre chez moi, je suis démoralisé. Je me sens en sécurité quand je suis chez moi, donc je rentre chez moi, je me suis fait menacer aussi par les gars du SAMU social, on va te retrouver, etc. Bref, j'essaie de faire passer ça, je rentre chez moi et indirectement je donne plus signe de vie parce que mon téléphone est inaccessible. Donc le temps d'aller rectifier ça, aller chez l'opérateur et tout ça, je reste sans téléphone et malheureusement je ne donne pas de nouvelles. Ce qui va lancer une genre de frayeur au sein des autorités. Alors il a disparu. Voilà, en gros c'est ça. Et on pose la question à ma famille, à des membres de ma famille, pour demander des nouvelles. Et là, ma famille s'inquiète parce qu'elle voit la police. Hein. Non, on n'a pas de signe de vie de lui, etc. Et alors là, il y a un système, une machine qui s'enclenche. Et j'avais signalé également dans la presse qu'après toutes les perquisitions que j'avais vécues, etc. Maintenant, je suis super prudent, j'ai installé une caméra de surveillance devant mon entrée. Là j'ai envoyé une preuve justement à un ami ici pour être témoin de la chose. C'est assez effrayant parce que on voit débarquer deux policiers en uniforme, mais également quatre policiers, cinq d'intervention, donc ils sont cagoulés, machin truc, c'est Robocop. Et donc ils arrivent dans l'escalier et moi j'habite, je suis au sommet et ils sont juste en dessous et donc ils se cachent, etc. Mais la caméra les a filmés et donc un policier monte en haut et va pour toquer et donc moi je suis chez moi. Il n'y a que la police qui toque chez moi hein, et on sonne jamais, on monte chez moi. donc j'ouvre et j'ai une réaction où je tremble en fait, et je tremble parce que je me demande qu'est-ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi ils sont là, mais voilà, c'est qu'est-ce qui va se passer à nouveau. Il me regarde et il me dit, mais pourquoi vous tremblez, qu'est-ce qui se passe, etc. Oh, j'ai dit, attendez, vous arrivez en brigade d'intervention, oui, mais on n'a pas sorti les armes. Ça va, ils ont été sympas, ils ont toqué, hein, ils n'ont pas défoncé la porte, ils ont été quand même corrects. Et puis ils m'ont dit, mais vous savez que tout le monde vous cherche, etc. Non, je ne savais pas, mais qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, mon téléphone, et je raconte, etc. Et là, c'est vraiment des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je leur ai dit, mais j'ai déposé une plainte. Allez vérifier, vous allez voir que mon téléphone, j'ai déclaré qu'on m'a volé. Et oui, mais comment ça se fait? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce qu'on peut regarder dans votre appartement? Je dis, rentrez. Hein. Ah, ils n'ont pas le droit, mais moi, j'ai rien à me reprocher. Et j'ai pas envie de compliquer la chose, donc rentrez. Sinon, généralement, c'est mandat de perquisition. Je suis assez carré là-dessus. Et ils rentrent, etc. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? Vous sortez pas, 3 jours, etc. Et il va pour regarder un peu dans tous mes documents. Et là, je, je dis clairement, on arrête là, écoutez, moi je n'ai pas de donner signe de vie parce que j'étais tout simplement démoralisé, etc. Donc j'attendais que ça passe. Et puis surtout, la réaction de la police suite à ma plainte, c'est ça qui m'a complètement démoralisé. C'est là que je me suis dit qu'il n'y a pas de justice en réalité. Et que qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépendre de soi-même. Est-ce que je dois me balader avec une bombe lacrymogène? Est-ce que je dois demander un service de garde du corps privé? Est-ce que je dois demander la protection policière? Qu'est-ce qu'il faut faire? Même, ça me ferait plus peur d'ailleurs. Mais voilà, donc ça c'est la situation dans laquelle je suis, dans le sens où, pour être clair, un journaliste étranger, entre guillemets arabe, qui plus est musulman, est en première ligne, dans le sens où il est facile à abattre, entre guillemets. Il suffit de dire que cette personne est radicale pour qu'il y ait une machine qui s'enclenche et que tout le monde croit que vous êtes un radical ou un djihadiste ou un recruteur ou ce genre de bêtises sans fondement qui n'est pas prouvé. Mais ça reste dans l'esprit collectif, dans l'inconscient collectif, ça rentre dans les esprits et justement ça crée un climat hyper malsain. Donc moi, qu'est-ce que je peux faire à part témoigner de ma situation que je vis et voilà, c'est pas normal parce que je me dis, on est véritablement en train de devenir une dictature, clairement. Et c'est ceux qui sont en première ligne qui le constatent tous les jours. Et donc voilà, ils sont en train de disparaître petit à petit. Et je pense que voilà, si on réagit pas, si on s'organise pas face à ça, eh bien, on peut avoir peur pour un avenir futur. Voilà. Ça met un boum, désolé. Mais... Et ici, ben, ce qu'on voit avec ton témoignage, c'est que une fois qu'on a revêtu ce costume affamant du terroriste, finalement, ben, on est d'autant plus pris dans cet engrenage dont il est très difficile, finalement, d'en sortir. Et moi, ce que j'en retiens, c'est que, effectivement, c'est ce que d'aucuns appellent le phénomène de fascisation lente de la société, en fait, qui est derrière finalement tous ces dispositifs sécuritaires, ces politiques extrêmement répressives, il prend d'abord pour cible des figures indéfendables, en fait, celle du terroriste. Mais c'est la figure type de la figure indéfendable qu'on ne va pas. Enfin, que les gens ne vont pas oser, pour laquelle les gens ne vont pas oser prendre position en disant c'est injuste ce qui lui arrive, et que c'est par cette porte-là, c'est par ce biais-là que ça s'immisce petit à petit, et qu'on voit finalement que ce type de pratique entre et prend corps et vit, en fait. Je pourrais ajouter une chose à ce sujet. Bien sûr. Bon, moi, j'ai constaté, enfin, oui, je l'ai constaté, je l'ai vécu, c'est un processus. Au moment où j'étais journaliste, quand je travaillais, comme tout le monde, j'avais une vie, comme tout le monde, j'étais pas connu en gros, c'est ce que je veux dire, j'ai pas eu l'histoire de l'homo chapeau. Eh bien, quelques années avant, j'ai commencé à avoir un esprit militant, à commencer à dénoncer, à sortir un peu de mon rôle journalistique dans le sens où la neutralité. Là, j'avais des convictions claires, et par exemple, il y a un reportage que j'avais fait devant le centre 127 bis à Stenokerzeel, où je dénonçais un traitement inhumain, clairement. J'avais pris position en dénonçant le fait qu'il n'y avait pas de journalistes, pas de politiciens sur place, etc., et notamment des journalistes. Donc là, je prenais clairement position. C'est justement ce reportage-là, alors j'en ai fait plein, hein. Quand il y a eu l'histoire de l'homo chapeau, on s'est focalisé sur ce reportage-là parce que je défendais justement le fait qu'on n'avait pas nourri des musulmans pendant le ramadan. Pendant 4 jours, ces gens n'avaient pas mangé parce qu'on ne leur servait pas les repas à la journée. Donc ça, c'était une chose que j'avais dénoncée notamment et qui avait été repris en masse par les médias. Il se focalisait là-dessus en disant il apparaît avec une barbe finement taillée, enfin, c'est ce genre de titre. Voilà, j'ai vécu après l'histoire. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai vécu avec l'histoire de l'homme au chapeau une diabolisation, clairement, pour me retirer du train, enfin, pour me discréditer, clairement, pour plus avoir accès à tout ce que peut avoir un journaliste, c'est-à-dire. La Commission européenne, le Parlement, etc. C'est vraiment vous mettre de côté, et comme on ne peut pas ben, vous retirez votre carte de presse ou le fait d'exercer et que vous êtes toujours sur le terrain, eh bien, vous êtes arrêté administrativement, comme il s'est passé notamment au camp Maximilien où je dénonçais certaines dérives dans le parc. Eh bien, j'avais été arrêté à 6 reprises pour trouble à l'ordre public. Et puis finalement, le bourgmestre de la ville, l'ancien, avait déposé un arrêté communal contre moi, etc. C'était une genre de diabolisation où il avait insisté sur dans cet arrêté en disant que j'étais un faux recruteur, etc., que je recrutais pour Daesh, ce qui était ridicule. Donc voilà, le mal est fait et on essaye de diaboliser. Et depuis, en fait, cette situation, la police a fait en sorte qu'on me retire le micro clairement, en fait. C'est une genre de censure. Clairement, on m'a retiré le micro parce que cette personne-là dénonce des choses qui sont réelles et nous, on ne veut pas ça. Voilà. En tout cas, ça dérange le gouvernement et donc le gouvernement utilise la peur, justement, la répression policière, ses outils, contre moi. Moi, ce que je vois, c'est vraiment un chien enragé contre moi et on lui retire la laisse et il m'attaque de temps en temps et on récupère. Voilà. Mais c'est ce qui se passe, c'est ce que je vis. Et depuis. Eh bien, je suis entre guillemets, on essaye de tout faire pour que je sois infréquentable, pour que cette personne n'a plus de crédibilité, et on fait pareil avec l'arrêt Ramadan. On discrédite. Et c'est, comme vous le voyez, tous les jours dans la presse, tous les jours, on découvre des nouvelles choses, etc., bien, dans l'objectif de discréditer, de diaboliser une personne pour qu'on ne l'entende plus, pour qu'il ne soit plus invité, pour qu'il n'y ait plus de valeur en quelque sorte. Et ça, je trouve ça déplaisant. Enfin, voilà, c'est la situation. Enfin, j'étais une maman comme tous les mamans. Et quand je dis une maman comme tous les mamans, en fait, c'est le fait de se dire, voilà, la police n'est pas stupide d'aller tapasser des gens comme ça, bêtement. Quoi. C'est en allant chercher mon fils que j'avais dit, oui, s'il a fait quelque chose, dites-le-moi. Faut le garder, ça ne peut lui servir que de leçon. Et quand on m'a fait sortir mon fils dans sa salle d'état, la première chose que j'ai dit, tu te bagarres. Il dit, non, c'est lui. J'ai commencé à c'est lui. Il me dit, c'est la police. Donc, déjà, sans médecin, sans me contacter. Donc, mon fils, il est resté quand même 3h30 au cachot, quoi. Un enfant de 14 ans, donc dans un cachot. Et me l'ont montré avec fierté le jour où j'ai été visionner la caméra. Oh, vous voyez, madame qui n'a rien joué. Vous le mettez sur un trône ou quoi? Vous avez enfermé mon fils. Il me dit, ouais, ne vous inquiétez pas, il est en sécurité. Bon, ça va. Ben, depuis, je me bats pour mon fils. Je me bats pour une justice. Je veux juste, franchement, juste qu'on reconnaisse que mon fils a été victime des bavures policières. Ils ne veulent toujours pas le dire. Ils ne veulent toujours pas l'assumer. Mais je suis contente d'arriver jusqu'au point de condamner au moins un. Un seul sur 5, je l'ai au moins condamné. Je me suis dit, au moins, il y en a un. Mais bon, il a quand même fait appel. Mais bon, mon combat va continuer. Franchement, tant qu'il n'y a pas de justice pour Mourek, je continuerai. Donc, on est en appel. On va passer. Bon, je n'ai pas une grande espérance qu'on va gagner. Je ne sais pas, j'ai ce sentiment-là. Parce que la justice, elle est quand même une vendue. Hein. Donc, comment vous expliquer ça? Le jour du procès, en fait, c'est mon fils qui se faisait condamner par la police. Et le seul argument qu'ils avaient, c'est pourquoi ça n'allait pas à l'école. C'était son procès au lieu d'être... Non, c'était le procès de Mourek. C'était mais vraiment le procès de Mourek. Pour ceux qui ont assisté, ça y est, je me suis dit, c'est bon, on a perdu. Et quand c'était les autres policiers, le juge leur parlait, mais d'une protection, d'un amour, je sais pas, moi, viens, prends une petite tasse de café, ça va, vous êtes bien. Bon, on se poserait des questions. Et là, tu es en rage parce que ton fils, il est là, il est debout, il tremble, parce qu'il a, mon rêve n'aime pas parler, en fait. Mourad, à part moi, il n'aime pas discuter, il n'aime pas parler, il n'aime pas s'exprimer. Mais rien qu'avec moi. Mais là, mais c'est dur, hein, attention. Hein. On me dit, mère combattante, oui, mais on ravale. Hein. Ça fait 5 ans et 3 mois maintenant. Hein. Mais il est marqué à vie, parce que les cicatrices sont là sur son visage. Et voilà, donc Je pense que, bon, je n'ai pas raconté vraiment l'histoire parce que je pense que tout le monde la connaît. Il la connaît, donc c'est, comme dirait-on, un enfant de 14 ans, il se baladait, enfin, il trottinait de derrière la maison jusqu'au coin. Donc le temps qu'il fasse le tour, qu'il se fait tabasser par 5 policiers menottés, défigurés. En hiver, donc, je suis contente parce que le médecin légiste explique que, voilà, ils ont appelé même le médecin légiste pour voir les photos de ce qu'il en est avec Moed. Et sur les photos, on voit qu'il y a des traces, parce qu'eux, ils ont déclaré qu'ils l'ont maîtrisé contre un mur. Mais non, Moed a été écrasé au sol. D'accord, il a été maîtrisé au mur, mais alors il va falloir nous expliquer qu'est-ce que cette botte fait sur son crâne. On voit la botte, on voit la semelle. On voit la semelle de la... Et personne n'explique. Est-ce que c'était du karaté ou je n'en sais rien. C'est encore plus fort. Donc on ne sait toujours pas de ce qu'il en est, c'est la seule chose. Donc imaginez en hiver avec des pulls et on voit des coups de matraque. On l'a menotté avec des colsons, insulté, cogné la tête contre une porte parce qu'elle ne voulait pas s'ouvrir. C'est comme si c'était un passe, hein, la tête de mon fils. Donc, il fallait bien l'essayer de l'ouvrir avec quelque chose. Il fallait que ça soit avec la tête de mon fils. Ben voilà, mon combat continue pour mon fils et en espérant que... Enfin, comme je dis, mon fils a été... il est là. Mais qui m'a permis de me battre pour d'autres enfants, d'exprimer et de dire, voilà, battez-vous pour vos enfants. Mais la plupart laissent tomber. Moi, je les comprends pourquoi ils laissent tomber. Je leur en voulais, mais je les comprends d'un côté. Ils avaient des pressions contre la police. La bourgmestre me téléphonait. J'avais le chef de corps sur le dos. Les policiers ont nargué, menacé gestuellement mon fils. Et il était suivi. Et quand il y avait un contrôle, hein, c'est toi, Moret? Oui, c'est moi, Moret. Oh, ben, tu pourras dire à ta mère qu'on t'a contrôlé sans bavure, sans qu'il n'y ait rien du tout. En fait, il y a plein de petites choses qui arrivent, et voilà. Mais comme j'apprends à mon fils, je dis, ben, le jour où il te contrôle, eh ben, tu dis, voilà, tu donnes ta carte d'identité, et s'il y a quoi que ce soit, la première chose à faire, tu me téléphones. Mais lui-même se met à carreau, le pauvre, j'ai l'impression qu'il marche mur en mur, quoi. Donc, voilà. Et la seule chose qui a protégé mon fils, la seule chose qui a pu protéger mon fils, c'est le fait qu'il n'a jamais été connu par la police. Parce que c'est la première chose qu'on relève. Hein. Parce que mon fils, au lieu d'être connu par la police, c'était une période de, on va dire, septembre, octobre, novembre, décembre, de 4 mois à l'école. Il y a quand même une crise d'adolescence qui se passe. Il n'avait pas envie d'étudier à cette période-là. Mais il avait le temps de rattraper. Mais la seule chose qu'ils ont relevée, c'est son comportement à l'école. Et attention, quand je parle comportement, c'est le fait qu'il s'absentait, qu'il était plus souvent à la maison, et que quand il répondait aux profs, ce n'était même pas des bagarres ou quoi que ce soit. Donc ça n'avait rien à voir. Mais le comportement à l'école. Donc voilà. Depuis, je me bats pour mon fils. Et je me battrai encore pour mon fils. Je veux qu'il y ait cette justice. Je veux... Que ça soit en ligne, Moed a été victime de bavures policières. C'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce que je veux. Je veux pas grand chose. Je veux pas de leur argent. Parce qu'on condamne un policier à 3 mois avec sursis à 450 € d'amende. Mais j'ai pas besoin. J'ai payé plus pour les avocats. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils soient condamnés. Voilà. Simon, derrière les choix. Sécuritaires qui sont opérés, ben il y a des choix politiques en fait qui sont à l'œuvre, des choix idéologiques. Et à ce titre, je dirais il y a deux options. C'est soit on sait bien qu'on vit une période un petit peu particulière au niveau fédéral, mais c'est la NVA qui gouverne, qui est quand même un parti particulier. Proche de l'extrême droite, certains même n'hésitent plus à dire que c'est un parti d'extrême droite, en tout cas voilà, qui a des pratiques d'extrême droite. Donc en termes de stratégie, est-ce que finalement pointer la NVA est suffisant Ou est-ce que, comme on a vu dans le cadre de Global Aroma, finalement, la descente a été orchestrée par la police de Bruxelles-Ville, donc une police qui est aux ordres d'un bourgmestre socialiste. Donc on voit bien que c'est que la question déborde finalement le cadre de ce parti qui est pointé finalement comme s'il était comme si la question sécuritaire et les violences policières étaient nées avec ce parti, mais qu'elle ne le transcendait pas. Est-ce que en termes de stratégie, effectivement, viser la NVA est porteur? Est-ce que ça peut être un effet domino, donc de viser la tête, je dirais, de proue, de un petit peu de tout ça? Et est-ce que ça permet par la suite d'avoir des résultats plus profonds? Ou est-ce qu'il faut viser un système plus global et pointer des responsabilités plus collectives par rapport à ça? Oui, par rapport à la question des sans-papiers aujourd'hui, là on vise de, normalement, il faut vraiment un projet, surtout sur la question de la régularisation. Pour nous, il faut un projet là où se retrouvent tous les acteurs, soit politiques, soit syndicaux, soit la société civile, qu'on se met d'accord sur une vision de régularisation qui va vraiment résoudre le problème définitivement sur la Belgique. On n'a pas le choix, comme des sans-papiers, bien sûr, le choix d'avoir soit les socialistes, soit d'attaquer l'NVA. Nous, on n'est pas dans le niveau de viser une parti politique. Nous, on défend un projet qui dénonce l'exploitation, en même temps qui met des questions de la société aujourd'hui ou qui met les citoyens aujourd'hui devant une réalité, des questions. C'est ça la vision. Et en même temps, de travailler sur un rapport de force qui va changer, parce que pour nous, c'est des lois. Et peut-être ça va rester avec cette gouvernement de l'NVA et en même temps peut-être avec les socialistes. Et là, je reviens, par exemple, en 2009, c'était la régularisation avec les socialistes qui n'était pas suffisant, qui nous a mis encore dans l'exploitation. Et c'est ça ce qu'il faut voir. Il faut voir vraiment, nous, comme des citoyens, comme des acteurs du terrain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on propose. Parce qu'on n'attend pas quelqu'un qui va venir avec son approche, son idéologique, etc., qui va t'amener vraiment ton besoin, ta revendication. Non, aujourd'hui, les mouvements, qu'il faut vraiment voir une approche de qu'est-ce qu'ils veulent, les mouvements aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils veulent, et comment on peut lier entre tous les acteurs pour avoir un rapport de force pour le changement des lois. Aujourd'hui, la question migratoire, tout simplement, il faut changer des lois, parce que ces lois qui donnent ce pouvoir-là, soit à les policiers qui exécutent des ordres qui viennent d'en haut. Et bien sûr, c'est ça le résultat de cette politique aujourd'hui. Le combat, c'est de combattre avec un projet alternatif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on propose, nous, comme des mouvements? Par exemple, comme j'ai dit, nous, dans le mouvement des sans-papiers, la régularisation à tous les sans-papiers, ça va vraiment supprimer les centres fermés. Tant qu'on parle sur les centres fermés comme un point noir aujourd'hui dans la société, parce que c'est un local où c'est un lieu où on enferme des gens qui n'ont rien fait, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un bon cachet dans le bon papier. Et en même temps, il y a un investissement économique qu'on dénonce aujourd'hui derrière tout ça, parce qu'on sait bien, nous, dans les expulsions, ça coûte beaucoup d'argent. Dans l'arrestation au centre fermé, ça coûte beaucoup d'argent, etc. Et tout ça, c'est des intérêts des petites sociétés ou des grandes sociétés multinationales. Le centre fermé, c'est pas que les sans-papiers qui sont là-dedans. Oui, c'est des sans-papiers qui sont enfermés, mais derrière ces sans-papiers, il y a des sociétés qui investissent là-bas. On a 4 ou 5 sociétés qui sont vraiment fortes dans tous les centres fermés. Présence comme la surveillance caméra, tout ça, c'est une société qui vient d'en haut, qui vient pour vraiment contribuer dans le système. Et c'est ça le rôle qu'il faut dénoncer aujourd'hui. Une expulsion individuelle pour expulser Saïd ou X au Maroc ou Y en Sénégal, ça coûte 28 000 euros. Tant que d'ici là-bas, c'est 150 euros, je ne sais pas. Alors, c'est vraiment des choses qu'on ne le voit pas. Il faut les dénoncer. C'est ça ce qu'il faut viser. C'est pas que les partis, parce que les partis sont clairs. L'NVA, elle est claire. Elle est contre de régulariser quelque chose. Elle est contre de... Elle a une approche, vraiment. Elle défend ses intérêts économiques. Elle défend ses approches et sa politique. Aujourd'hui, qu'est-ce que la partie de la gauche ou la société civile ou les syndicats aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils proposent pour vraiment qu'on change la situation, soit au niveau d'immigration ou les sans-papiers ou de réfugiés ou l'accueil, etc. Qu'est-ce qu'ils proposent? C'est ça où on a le problème. C'est que chacun à son côté, il défend, il est solidaire, il est, mais il n'y a pas vraiment une vision globale de tout le monde ou un point qui dise tout le monde, ok, on ne veut pas ça. Par exemple, dernièrement, on se mobilise avec 14 000 ou 10 000 seulement sous un titre de Théo Franken, il faut qu'il parte. Oui, c'est bien de mobiliser ce petit problème technique, mais la suite se comprend tout à fait, donc la suite tout de suite. C'est même la fin, carrément. La deuxième partie, ce sera après, plus tard, la semaine prochaine. De manière concrète, en fait, profiter de cette vague de solidarité pour l'inscrire dans des revendications politiques très concrètes et des revendications comme celles que tu viens d'évoquer, donc la régularisation et le changement de loi du cadre législatif qui permettrait sa régularisation. Comment, je dirais, prendre appui sur cette vague-là pour aller plus loin et formuler un vrai projet politique à partir de là qui ne s'arrête pas à l'humanitaire ou simplement de la solidarité très ponctuelle.